House Music. Hey, it's a holiday. Master. I got hoes on hoes and they out of control, yo. Hey, it's another way. Le style urbain et électro réunis dans une seule radio. It's just the best music. Urban and Electro Station in France. In a brand new coupe with some fuzzy out of shoes. Real nigga blues clues. If you sleep on that hip hop et house. Master Deep House Music. Is I'm afraid. Vendredi, le meilleur before pour vos soirées. DJ Florum, le mashup. 19h30, 21h, le mashup. Les sons les plus joués en club, mixés et remixés par DJ Florum. Vendredi, DJ Florum, c'est sur Master. Allez, c'est parti, DJ Florum au platine, comme tous les vendredis soirs entre 19h30 et 21h du mix ici pendant 1h30. C'est sans pub, DJ Florum exclusivement sur Master, c'est maintenant. Por ahí viene Juana, viene Mari, todas las baby quieren party, un comentario fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah, yeah. Salgo así, cala, le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me siento bichota sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me escucha. Salgo así, cala, le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me siento bichota sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa. Por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone. El Feliz con él. Puede que no te haga falta. haces mal. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. DJ Florham, DJ Florham, Boricua, cubano, gasolina. Boricua, cubano, parrilla. Boricua, cubano, gasolina. Boricua, cubano, parrilla. Chevita. Me mantica duro, dinamita. Leche con azúcar. Ella tiene medida brazuca. Esa mami es una G. She got hips, I got a grip for a lot of. Don't need to add more, I know it's sweet. I like that. I got word that is wet, well, let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Toutes les semaines, DJ Florum, il est ici exclusivement sur Master. D'ailleurs, hein, laissez un message à DJ Florum sur notre WhatsApp. Je vous donne le numéro maintenant. 06 52 49 36 10. Vous pouvez même lâcher un vocal hein, qu'on peut passer ici sur Master entre 19h30 et 21h. Le mix de DJ Florum, le mashup, ça continue ici. I'ma say all I'm pull up that, play it back again. I'ma tell you say your weed has hit the trend. I'ma tell you say your play it back again. I'ma say all I'm pull up that, select a play it back again. Tell them me say your weed has hit the trend. Tell them me say your weed has hit the trend. Select them me beg you play it back again. Dance. Just a sucking in the motor. pas bouger. Bébé, en vrai, c'est ok, on a tout fait. J'aime trop quand tu fais ces choses, toi, ouais, tu le sais. Pas besoin de te guider. Eh, j'ai fièvre, t'es mon tout, t'es mon babe. T'aimes mon corps, t'aimes quand on fait du sexe. C'est pas pareil quand on est à distance. Faut se dire, j'crois que baby, on sait. J'ai envie de planer, c'est obligé, j'ai envie de voler. T'es ma moitié, j'ai envie de tes bras. T'es celui que je voulais, ouais, celui que je voulais. Je connais toutes mes positions préférées. Tu me dis c'est toi la force AYAE. Dans ce domaine la personne peut me déléguer. Ouais, toutes mes positions préférées. Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis c'est toi la force AYAE. Dans ce domaine la personne peut me déléguer. Ouais, toutes mes positions préférées. Bébé veut du sexe, j'suis pas comme tous tes ex. J'ai connu trop de déceptions. Elle veut planer sous ma zep, c'est encore dans mon assiette. Sous belle passe à l'action. Elle veut que je mange, elle veut que j'apprends. J'te prends sa chute, je lui sors plongeant. Bébé maman trop de magie. J'te fais tirer, tu vas planer sous ma ganja. J'ai envie de planer, c'est obligé, j'ai envie de voler. T'es ma moitié, j'ai envie de tes bras. T'es celui que je voulais, ouais celui que je voulais. Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis c'est toi la personne AYAE. Dans ce domaine la personne peut me déléguer. Ouais, toutes tes positions préférées. Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis c'est toi la personne AYAE. Dans ce domaine la personne peut me déléguer. Ouais, toutes tes positions préférées. Fais-moi vite, tout en vite dans l'assiette. Seul le bon et le secret. Si on met les baby boots, tu vois je baisse. Un peu je le sais. Un peu je le sais. Pour mériter mon respect. Je vivre libre, je vivre bien. Comme sur mon île, je suis plus de celle que l'on tient. Femme féline, fidèle tout terrain. Je veux mon avenir, mon fabuleux destin. Indépendante, féminine, attirante. Simple et naturelle, indigale, élégante. Je me sens forte, au féminin. Je me bats comme un homme pour mes droits au féminin. India, je suis India, je reste. Comme Aretha Franklin ou Miss Tinguette. India, je suis India. Ma vie comme une toile de Miguel. Indigal, je milite comme Lubna. Pour celle qui porte la vie à bout de bras. Pour la femme et la petite fille au fond de toi. Indigal, je crois, Indigal. Indigal, si tu es ce que tu es simple et vrai. Oh, oh, tu fais ce qu'il faut pour mériter ton respect. Indigal, j'ai été, je le suis et je le resterai. Dans ce monde de gamins, si tu gardes le dauphin dans ce monde de requins. Si tu sais qui tu es, si tu sais d'où tu viens. Si tu es une disgale. Quand tu donnes le respect, on te donne le respect. Sans être jugé, tu peux être femme libérée. Bien dans ta peau, décomplexée. Classe, intelligente et bien sapée. T'es une disgale si tu gères ta vie. Peu importe ta destinée, reste belle. Naturel, t'es indépendante. Pas le doute t'emporter. Reste fier de ce que tu es. Garde tes priorités. T'es inégal et tu le sais. Inégal. Si tu es ce que tu es simple et vrai. Oh, oh. Tu fais ce qu'il faut pour mériter ton respect. Inégal. J'ai été, je le suis et je le resterai. Oh, oh. Je fais ce qu'il faut pour mériter mon respect. Si tu te reconnais. Sur ma main, parce que les femmes sont les mères des hommes de demain. Je veux plus de baratin, je peux aussi ramener le pain. Je peux avoir le pic à glace, comme basique instinct. C'est pour les femmes qui sont les hommes de demain. J'ai l'espoir que celles qui souffrent soient les reines de demain. Ni pute, ni soumise, ni solde, ni remise. On se bat pour que les femmes soient admises. Tout le monde, Maïssa, debout, que la fête commence. Les nègres là, on sent dans la danse. Ah mais sa vie est juste original, mais y'a no criminal. Mais c'est mes parties, we feel sexy girl. Hey, debout, que la fête commence. Les nègres là, on sent dans la danse. Jackie and Ben, they were official. Them are no criminal, mais c'est them party like wild animal. Hey, everybody in the club, them a rock to the dub. Everybody feeling Irish tonight. It no matter you a what, Mr. Vegas knock ya. It no matter if you black or you white. Girl waistline a swing, Mr. like engine. And them and them a drink red dry. So follow be a gift, Jackie and Benji. Everybody just keep me alive. Tout le monde debout, que la fête commence. Les nègres on sont dans la danse. Ah, Mr. Vegas original, me a no criminal. Me say me party with your sexy girl. Hey, Jackie and Benji well official, them are no criminal. Me say them party like wild animal. Mais je veux voir tout le monde au fête, au milieu des dance floors. Que tu sois en solo ou en couple corps à corps, les filles dans la dance floor, voilà ce qui arrive. Je donne le livre rock à rock à pour les massifs. Oui j'aime dans cette musique, oui j'aime dans son groove. J'aime quand tu t'agis, oui j'aime quand tu bouges. Mais toi les yeux suis le mouvement. Fais-lui voir que tu assures mais vas-y doucement. Son nom c'est dans, dans, dans. Je veux voir les filles c'est les hanches. Oui, c'est oui, dans, dans, dans. Tous mes scalas se défouler. C'est chaud négro, j'ai le bloc qu'il faut, j'suis venu vous divertir. Branche-nous les micros, qu'on prenne la scène d'assaut. Nègre marron pour vous servir. C'est l'enfant du peuple et la voix du guet. Benji c'est le type 7 et Jackie Brown le bon. Criminel au micro, tu sais qu'on marche pas non bon. J'adoucis les mœurs, c'est vous, il est tempo. Viens sur la piste et oublie tes blèmes. Ici pas d'amateur, t'as affaire à des cons. Nègre marron dans la danse et on vient mettre ça. Tout le monde debout, que la fête commence. Les nègres marrons sont dans la danse. Ah mais ça vient comme original, mais y'a no criminal. Mais c'est mes parties, we don't stick the girl. Hey, debout, que la fête commence. Les nègres marrons sont dans la danse. Jackie and Benji, well official. Them are no criminal, mais c'est them party like wild animal. Hey, bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Que mi mitad yo me la voy a comer. Everywhere. Ay, bendito. Thank you. Switch. Open up your blouse. Step out, show me what you all about. Step out, show me what you all about. Step out, show me what you all about. Step out, show me what you all about. Step out, show me what you all about. Step out, show me what you all about. Step out, show me what you all about. Step out, show me what you all about. Throw the G-string down south. Une heure et demie de mix, de remix, de bootleg par DJ Florum. D'ailleurs, vous pouvez télécharger toutes ces émissions en podcast direction maintenant le site de Master, c'est masterfm.fr. On continue le mix de DJ Florum jusqu'à 21h. DJ Florum. right now. D'avoir choisi Master, première radio urbaine électro de France avec DJ Florum au platine. Et lâchez un petit like maintenant sur nos réseaux sociaux, c'est Master FM France, @MasterFM France sur Instagram ou encore sur Facebook. Pareil hein, pour la page de DJ Florum, profitez-en. Belle soirée à vous tous, le mashup jusqu'à 21h, c'est sans pub. terre. Certains pensaient qu'on allait pas le faire, moi je te dis juste qu'on va les faire taire. Le Panama Rio, on vient les ambiancer, à lever les mains, à croiser les mains, à baisser les, baisser les, baisser les, baisser les, baisser les, baisser les, baisser les. On arrive comme d'hab, écotité, lâche, lâche ta moula. J'ai du saut en l'air, maintenant casse, on arrive comme d'hab. Écotité, lâche, lâche ta moula. J'ai du saut en l'air, maintenant casse. On casse, casse, avance, avance, on casse. Casse, avance, avance, on casse. Casse, avance, avance, on casse. Tous les cas, tous les cas, tous les cas. On casse, casse, avance, avance, on casse. Casse, avance, avance, on casse. Casse, avance, avance, on casse. En gata et niata. Pop, pop, pop, qui t'a dit qu'on est dead? Passe tout en l'air, on arrive, on se fort. Pop, pop, pop, Rihanna en tête à tête. Appelez, appelez-moi tous les renforts. On s'est dit stop, mais la machine est lancée. Peux plus reculer devant les attentes. Maintenant que tu commences à nous voir, tu réfléchis. Rien que tu m'appelles et moi je te mets en attente. On arrive comme d'hab. Écotité, lâche, lâche ta moula. J'ai du saut en l'air, maintenant casse, on arrive comme d'hab. Écotité, lâche, lâche ta moula. J'ai du saut en l'air, maintenant casse. On casse, casse, avance, avance, on casse. Casse, avance, avance, on casse. Casse, avance, avance, on casse. Tous les cas, tous les cas, tous les cas. On casse, casse, avance, avance, on casse. Casse, avance, avance, on casse. Casse, avance, avance, on casse. En gata et bien tabou. DJ Florent on the mix, yo. Maman m'a toujours appris de ne jamais baisser les bras. Qui sait pas tout a appris, mais que les rêves n'en ont pas. Je voulais la mettre à l'abri, peu importe le combat. Car ce que la vie m'a appris, c'est qu'on ne peut compter que sur soi. Et je prends la vie du bon côté, même s'il m'arrive de douter. Si mon avenir est flouté, ne crois pas que je suis dégoûté. Oui, je suis déterminé. où on dit c'est pas gâté. Chérie, où on dit c'est pas gâté. Faut jamais désespérer. Donne-toi un peu de magie et prends la vie du bon côté. Voilà pourquoi il faut avancer. Pour ne pas reculer. On va avancer. Like a king. Tócame. Dale. Like a king. Tócame. Dale. Get turned up, get crunk on this. real. Eso me encanta. Dale, descarada. Il arrive à le faire marcher hein, son Twitch, live Twitch, on vous prévoit ça bientôt ici sur Master, en tout cas ça marchera ici sur le site de la radio, Master Hip House, d'ailleurs vous pouvez nous suivre dès maintenant sur Twitch, H-I-P-H-O-U-S-E, Master Hip House, maintenant on attend vos subs pour le mashup de DJ Florum, ça continue ici jusqu'à 21h du mix non-stop sans pub sur Master. To drown them out. I fell down so low. shit, I do what I want. Let's go. I leveled up like a boss. She fell in love with the top chef. On my mama, she licking the sauce. She licking me. Money under the mattress. Pushing the foreign in traffic. We living life to the max. Cause really ain't no telling how long it's lasting. Don't be afraid to show me what you made of. Don't be afraid of love. No, no, no, no. Don't be afraid to show me what you made of. Don't be afraid. I leveled up like a de 21h c'est Multitempo avec DJ Léviathan, Dance House, et à partir de 22h c'est Master Club jusqu'à 4h, c'est sans pub, ça c'est promis, ici sur Master, le classique électro par DJ Florum, et DJ Florum que vous retrouvez en podcast, toutes ces émissions sur masterfm.fr. Passez un bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit sur Master.